Si on allait en Angleterre pour le week-end, que dit la météo ? Elle dit qu'il pleuvra et qu'il fera froid. Ah oui, 5 degrés, ce n'est pas beaucoup. Et quel temps fera-t-il en Espagne ? Il y aura du soleil et il fera chaud. Mais c'est loin l'Espagne, pour un week-end. Et dans le sud de la France, il fera beau ? Oui, mais il y aura du vent.